بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم واكتفى. تمام. دونك هذا أنا بدي سكوا اسم إشارة للمفرد المذكر للقريب. Donc il y a un c'est un pronom démonstratif qui est utilisé pour le genre masculin, type singulier proche. Et comme elle a dit, ça peut être utilisé aussi pour une chose qui est lointaine. Parce que quand ils disent, il y en a le fait que tu dis hada, le hala, ils disent c'est pour appuyer la distance, tu vois. Et là ils disent non, ils disent kada. La hal le ma'ruf, c'est que c'est utilisé pour ça. C'est pourquoi les choses qui sont proches. Donc ismo, toi tu avais marqué la définition de l'ishara. Ma dalla ala mu'ayyin biwasitati isharatin. Imma hissiya imma ma'nawiya. Ça, c'était la définition d'Ishara. Moi, je voulais suivre de Hada. C'est-à-dire que moi, vous voyez, je vous ai mis des choses, tu vois. Ça, c'est en plus, tu vois. Mais ce que moi, j'ai demandé là, c'est ce qu'il faut connaître du temps, tu vois. Il y a des choses que je vous ai ramenées en plus. Ça, si jamais tu l'apprends, alhamdoulilah. Tu vois. Si jamais tu l'apprends pas, tu le verras plus tard, tu vois. Donc, moi, nous, on s'est contenté de ramener les choses qui sont importantes, qui doivent être connues et comprises dans le temps. Après, la deuxième question, c'était quelle est la définition de A. Toi, tu m'as marqué Harf Ishara, je crois. C'est pour, vous avez tous marqué ça. Moi, j'ai marqué Ism, je me suis trompé. T'as marqué Ishara, Kaza, les cas. Après, ça écrit quoi? Je t'ai marqué 0,5. Ah, ça veut dire qu'en gros, ce qui vient après, c'est bien. Quand je mets une croix là, comme ça, la croix là, ça veut dire que c'est pas bon. Le V, c'est que c'est bon. Et 0,5, c'est que il y a du faux et il y a du vrai. T'as même? Donc après, dans quelle tournure de phrase on emploie? Hein? Dans les phrases, dans leur début, pour demander des choses qu'on hésite. T'as même, voilà. Soit t'es hésitant, soit il y a une chose, il y a une probabilité. T'as même? Ahaza Beitoun. Tu sais, Yanné, tu as une connaissance de cette chose-là. Lakin, tu as un chèque. Il est probable que c'est un bait ou c'est un masjid. Tu as un doute. Donc tu utilises A pour que la personne t'enlève le doute. Hada baitun, il va dire Naam ou la. Si jamais ta compréhension était bonne, il va dire Naam, hada baitun, ou la, hada masjidun. Donc on a une probabilité. Quel est le pronom interrogatif employé pour les choses ignorées? C'est ma. Ma. Mathalan, quelque chose. Les choses que tu ignores, mathalan, le bâtiment, tu dis, on va dire, ma hadhi l'imar, ou ma hadha, ou ma hadhi. Tu ignores qu'est-ce que c'est cela, tamam? Tu vas pas dire a pour une chose que tu ignores. Non, tu dois utiliser ma pour connaître la véritable identité de la chose dont tu demandes. Tu dis ma hadha. Tamam? Ensuite, j'ai dit, est-il possible d'utiliser ma pour le doué de science? On peut utiliser ma. Ma anta, comme on avait pu voir, il y a un khilaf par rapport à ça. Il y en a qui ont khilaf. Je veux dire, ils ont dit non. Nawawi l'a dit, en gros, c'est là. Ce qui est voulu, c'est sifat. Donc, sifat, c'est pas une chose qui est doué de science. Donc, on peut utiliser ma, parce qu'il n'a pas demandé. Ou à qu'est-ce qui te caractérise toi, tu vois. Il a demandé les sifat. Ma la kulli hal, wallah alam, tu peux lui dire aussi qu'il a demandé. Il sait que c'est un bachar. Le fait qu'il demande, il dit ma anta. Tu peux utiliser dans les deux sens. Alors, kulli hal, ça a été utilisé pour ma anta. Il y a juste. Tu peux utiliser pour ce qui est doué de science et ce qui n'est pas doué de science. Mais l'ask, c'est que tu dis ma pour les choses qui sont, pour les objets et tout ce qui n'est pas doué de science. C'est bon? L'ask, c'est ça. Adam alayhi salam, il a dit ma. Après, quel est le pronom démonstratif utilisé pour les choses lointaines du genre masculin? Zalika. Tout le monde a mis Zalika? Hein? C'est Zalika. C'est bon? C'est quoi? Est-ce que tout mot se terminant par un tanwin est défini? Pas forcément, ça va. Pas forcément. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément. Mathalan, c'est quoi le dalil? Ou plutôt, il y a une chose qui sort d'exception? Mohammedun. Mohammed, on a dit, c'est alam, nom propre. Les noms propres sont définis. Le fait qu'il se finisse Mohammedun avec une tanwin, c'est un nom propre. C'est défini, mais pourtant, on a une tanwin. Donc, c'est pas forcément. Tu vois. Comment on définit un mot? Avec elle. Avec elle. Il y a elle, il y avait d'autres. Ah, c'est bon, c'est une façon. Parmi les choses. Tu vois. Ça veut dire que si quelqu'un m'aurait dit les tarafas, j'aurais pas pu parler. Quelqu'un m'aurait dit l'alam, j'aurais pas pu parler. Tu vois. Mais alhamdoulilah, on s'est compris quand j'ai posé la question. Al-Munada Kada, les gars. Alhamdoulilah. Donc, c'était quoi, on était où là? Comment définir un mot avec elle? Les noms propres auxquels il figure elle, ont-ils bénéficié d'être définis par le biais de elle? Comme Al-Hussein. Al-Hussein, c'est pas elle qui est rentrée. Donc c'est. Ah, j'aurais dû vous demander la définition. Aujourd'hui, vous donnez. Donc c'est quoi, Aziz, à l'oral comme ça, c'est quoi la définition du mu'arraf bi'al, celui qui est défini par elle? C'est quoi cette définition? أثر عليه أفاد له تعرف لا بد من هذا تمام أفاد له تعرف وما دخل على اسم النكرة وأفاد هو تنكير المعرفة تجاهل il rentre dans la nakira une chose qui est indéfinie et de sa rentrée il a donné comment s'appelle le sens du mot et qu'il est défini تمام donc c'est pour ça que comment on fait la définition comment on fait la différence entre elle Zaïda et elle تعرف à partir du moment que tu sais que ce elle là il est rentré et qu'il n'a pas apporté le qui soit défini, خلاص, tu peux déjà juger que ce n'est pas Al-Fa Muharraf. Mathalan, Al-Hassan. Hassan, c'est un nom propre. Aslan, tu l'as rentré Hassan, c'est un nom propre connu. Donc, Alam, ça veut dire qu'il est défini. Le fait que tu as rentré Al, tu ne l'as pas défini, puisqu'il était déjà défini. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas apporté le sens défini, mais c'est, comme il dit, c'est une ziyada. Les Arabes, ils se sont appelés comme ça, c'est une ziyada qui est apportée comme ça. Elle n'apporte aucun sens, ce serait, ne serait-ce que ça a été ajouté. Tamam. Quelles sont les lettres lunaires et solaires? Solaire, c'est quoi? Shin, Nun. Non, il y a avant. Hein? Solaire, il y a avant. Ah non, non. Lunaire, Ter, Tha. Ta, Tha. Del, Zel. Del, Zel. Ra, Zay. Zay. Ouais, Zay. Ah, c'est Zay, Zay. Zay. Sad, Da, Ta, Da. C'est ça. Sin, Shin, c'est pas dit? Lem, Nun, Sin, Shin. Ouais, je les ai là. Tu les as mis à la fin? Ouais, ouais, je les ai mis à la fin. Donc ouais, c'est ta, chauffe-eau. Ta, sa, ensuite zel, zei, zel, zel, zel, ra, zei, sin, shin, sad, ba, ba, va, ensuite lam, nun, lam, nun, ça se finit sur nun. 14. Vas-y, le lunaire c'est quoi? Donc alif, ba, jim, ha, ra, Tamam. Quelle est la définition du verbe madi? C'est une action déjà passée par rapport au moment de la parole. Tamam. Yani, celui qui est personne arabe. Hein? يستخدم كذلك في في في الدعاء. في الدعاء. الفعل الذي ماضي. الفعل الماضي هو يعني ما دل على حدث. تمام. حصل قبل وقت التكلم. Moi j'ai marqué par l'alif maksura. Je me suis trompé. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est un fi'al, fi'al, c'est un verbe. Moi j'ai marqué passé et on le reconnaît par le alif maksura. Le passé, tu dis c'est quoi le passé? C'est la chose, l'action qui est survenue avant que tu parles. Avant le moment où tu parles. Crie, crie, crie. Hein? Corrige. Ah ouais. Sinon, c'est. Mais... J'avais dit quoi après? Comment on reconnaît? Allez voir, comment on reconnaît ton. Alors? Je laisse le frère, il a levé la main. Non, le ta. Ta, ta, ni. Ouais, c'est le ta. À partir du moment où tu peux rentrer ta, on avait dit il y a deux choses pour reconnaître. Premièrement, sa définition. Si jamais ces choses-là, elles impliquent une action qui est venue avant que tu parles, halas, tu peux déjà te dire que c'est mardi. Parce que ce n'est pas toute chose, tamam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala. Ta, ta'anith al-sakina. Mathalan, yani fa'ala. Est-ce que tu peux rentrer le ta, yani ta'anith al-sakina dedans? Si jamais tu peux dire fa'alat amla. Hiya fa'alat kaza. Le fait que tu puisses rentrer ta, ce ta là, c'est une alama qui est spécifique au fait de mardi. Donc si à partir du moment où tu peux le rentrer, halas. Après on poursuit, donc la 13e ou 16e plutôt, c'était les harf al-jar que vous connaissez. Vas-y. Awal. Fi'ala. Fi'ala. Ala l'isti'ala, je vous ai dit. C'est au-dessus. Ah, pour moi, c'est une chose au-dessus. C'est pas min l'isti'ala. Min, c'est pour les petits dards. comme on a vu, Hatala qui était dans le temps, c'était pas, c'était le Bayan. Min Aina Anta, c'est pas le Bidaya. Min Aina Anta, il demande quoi? Il y a ta provenance. Quel genre de personne es-tu, tu vois? Il demande son pays, il interroge ton identité. C'est pas le Bidaya. Maintenant, tu dis Kharajtu min al masjid, ça c'est pour montrer que t'as commencé à, ton parcours là, commence à partir de là. Il dit ça, c'est pas un salam. Tu ne rends pas salam à Kala. Il t'a claqué, bip. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها مثلها. Ça c'est une tahiyya, c'est une salutation. Salutation, le fait qu'il te klaxonne, tu dis pas alaykoum salam. Non, mais il a levé la main, Akhi. Ouais, tu lèves la main. Il n'a pas dit salam alaykoum pour que tu dises wa alaykoum salam. Parce que là, c'est comme si tu répondais bidaya. Bidayatan. C'est comme si jamais tu venais devant quelqu'un, tu dis wa alaykoum salam. Il dit ça, c'est tahiyya tout le monde. Tamam. Donc ça veut dire que ça c'était Kamal Al-Hadani, rahimahullah ta'ala. Tu vois. Il dit certains, tu vois des gens, ils passent en voiture, ils klaxonnent bip bip bip. Et l'autre, il fait wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakat. Il dit non, il t'a pas passé salam. Aslam pour que tu dis wa alaykoum. Si t'aurais voulu parler, tu dis salam wa alaykoum anta. Mais le fait que tu dises wa alaykoum sur une chose qui t'a pas passé salam, c'est comme si jamais tu commençais par salam. C'est-à-dire que comme si tu lui avais dit wa alaykoum salam. Et ça, tu peux. C'est interdit, tu vois. Il y a un hadith qui est venu. Ah, c'est un hadith. Il est venu, il a dit wa alaykoum salam tahiyatul mawta. Tu dis salam wa alaykoum. Donc il fait bip. Il lève la main, tu lèves la main. C'est une tahiyya, en gros, t'as salué, tu vois. Tu salues par la main. Tu vois, hatta il dit Cheikh Al-Uthaymin, mashallah, il dit le fait que tu rends le salam, c'est bil kaymiya wa nu'iyya. Al kaymiya, ça veut dire jamais dit salam wa alaykoum, il dit tu dois le rendre du même nombre. Wa alaykoum salam, ça c'est l'ad, c'est ce qui était obligé. Si tu veux rajouter, tu rajoutes wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam. Il dit aussi, et wa bin nu'iyya, parce que l'ayat, tu vois, bimithli ahsan minha ou mithliha. Faruddu, ila huyitum bitahiyatin, faruddu bi ahsan minha ou mithliha. Tamam. Donc il dit c'est-à-dire que la manière de faire il t'a passé salam avec le sourire, tu ne passes pas de salam avec le visage froissé, tu vois. Il dit ça aussi, il dit ça, ça rentre dedans, il faut que tu rentres comme il te l'a donné au mieux, tu vois. Si t'as souri, si jamais tu souris encore beaucoup mieux, tu vois, c'est alhamdoulilah, tayyib. Même si maintenant tu lui as dit wa alaykoum salam comme il t'a dit, il t'a dit salam alaykoum, tu as dit wa alaykoum salam, là qui t'a souri, toi tu l'as pas souri, il dit ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire gratuitement ça. Hat. Pas fort. Donc sinon, c'était Hat Dar, c'était quoi? Bon, vas-y, cite. On avait 5. Voilà, donc j'étais pas loin du compte. Fi, ou min. Fi, et ala. Min et ila. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذاك الأخير. الله مبارك. Ça se corrige et tout. شكرا. Alors, il a, c'est. Il a, c'est pour y aller définir la limite d'une destination. On avait dit l'intiha. Il est intiha. Min, c'est pour, on avait dit parmi les ma'ani qu'ils ont vu dans le tome, c'est quoi? C'était le bayan. Min aina anta. Yani yurid tu bayin laka min aina anta. Le bayan. Ce qu'on avait vu. J'avais dit, il y a plusieurs sens. Toujours faut ramener ça. Laha ma'ani, tu vois, comme ça la personne sait qu'elle a plusieurs sens, c'est pas juste ce sens là, t'as mais le sens qui a été volé dans le temple de Médine, c'était al-bayan. Min ayna anta, ay yani yas'aluka an annaka tubayyin lahu al-makan alladhi anta ji'ta min. Li, c'était quoi? Li, on avait dit, ça peut être le tamlik ou bien al-ikhtisas. Al-tamlik, jamais c'est pour une personne qui est qualifiée de, voilà, pouvoir posséder. Ou l'ikhtisas pour l'inverse. Une chose qui peut pas être. Masalan, tu dis masjid, ou bab al-masjid. C'est pas un tamlik qui est entre les deux, c'est l'ikhtisas. Quelle est la définition de l'annexion? Il a. Attends, il y a deux mots par une. Tu peux répéter, il a, c'était quoi déjà? Ah non, je me suis trompé, j'ai inversé les questions. Il a. C'est pour l'intiha. L'intiha. Laha ma'ani, wa binha l'intiha. La limite d'une chose. Kharastu min al-bayt ila al-masjid. C'est-à-dire mon parcours, il s'est fini. Je suis pas parti plus loin que le masjid. Ah, c'est pas de limite d'un endroit fixé. Min al masjid ila al bayt. Ila al bayt, c'est-à-dire que ton il s'est arrêté où ton parcours? À la maison. C'est-à-dire que t'as pas dépassé la maison. Moi j'ai marqué limite d'un endroit fixé. Ah, là bas. Ça passe. Et fille, vous avez mis quoi, fille? Fille, j'ai mis dedans. Ah, c'est en français. Zarfia. Ah, zarfia, c'est ça en gros. C'est quelque chose qui enveloppe. Pourquoi ça mis dedans? Tamam. Si, et quoi encore? Min, donc je vous l'ai dit, Bayan. El Hala, c'était l'Isti'ala. Et Li, comme on a pu le voir, c'est ça. Donc c'est quoi la définition de l'action? C'est lorsqu'il y a l'assemblage de deux mots pour montrer une appartenance. Ah. Moi je peux le dire. C'est lorsqu'il y a une personne ou une chose qui appartient à une autre. Il manque une chose. كما قلنا سي كوا نسبة بين شيئين ايوا نسبة بين شيئين ابتنص دي شوز بتقدير حرف جر حرف جر اي مونك بتقدير دونك سي كوا سي تو بو دير سي ان ابارتنس انتر دو شوز دان لاكيل اي سوز انتوندو حرف جر اوا فا اون افي دي كيسون اري كي سون ريلاتيف او مضاف او مضاف اليه دونك اون كومونس بار المضاف لا ينون لا ينون المضاف ايوا ها ها ما ياتي بال ايوا بال Et moi, mon tafilé Daïman Majro. Et prends jamais de L. Du moins. Est-ce qu'on va le voir? Wal Mukimoun As-Salah. Mon tafilé. C'est-à-dire quoi, il est toujours Majro? Tu m'as piégé. C'est-à-dire quoi? Majro. Je crois que tu as dit Majro. Majro, hein? Eh, c'est tout? Vous êtes d'accord avec lui? Il dit le majeur, c'est ce qui se finit par i ou in. Tout le temps, c'est vrai? Soit c'est ra'ib, fil ra'ib. Là, il n'y a pas de ra'ib. Soit c'est un des ra'ib à la matière en place. Wa ma naba'a anhuma. C'est-à-dire ce qui remplace la kasra ou kasratin. Mais tu vas dire marantu bi ahmada. Bi, on n'a pas vu bi aussi? Non. Marantu? C'est bizarre ça. On n'a pas vu ? Il était dedans dans le temps, ça ? I ou in, ou mana, ce qui remplace i ou in. Maintenant, tu dis Ahmad. Je dis marantum bi Ahmada. Pourtant, j'ai rentré bi. Tu vois ? Bi, c'est un harfada, comme on va le voir, tu vois ? Ou, maintenant, salamtu, ce mot salamtu, ala Ahmada, ala. Harfouja, ça ? Normalement, c'est Ahmadi. Pourquoi c'est pas Ahmadi ? On va le voir, inshallah. Mais à la kulli hal, le signe qui a montré qu'il est majrour, c'est pas une kasra, une kasratine, c'est une fatha. Donc la fatha là remplace la kasra la kasratin. Vas-y, bah, donc le mudaf mudaf ilayhi on a vu. Donc quelle est la définition du khabar? Vas-y, je vous écoute. Le mubtada, j'ai dit que c'est un nom défini dont l'information tourne autour de lui, donc dans la phrase. Yeah. Donc al khabar c'est quoi? Ma tatim bihi ma'a al mubtada'i al fa'ida. C'est la chose qui va avec le mubtada va compléter l'information. Donc c'est lui qui porte l'information. تمام ما تتم به مع المبتدا فائده تمام تمام العكس من هنا خبر اسم دائما يخبر دونك il vient après l'mubtada il est toujours مرفوع toujours مرفوع toujours مرفوع il est غالبا c'est nakira تمام وبعدين ايش s'accorde en genre et en nombre il s'accorde en genre et en nombre مثلا محمد رسول الله أو مثلا آمنة واقفة واقفة يعني بدي آمنة واقف. إذا يبقى المبتدا إلى توجور مرفوع. مرفوع نكير. يغسلني بعد ضمة ضمتين تمام؟ توجور مرفوع. يطابقه تمام؟ دونك سي سا لي ريغل. 4 règles ou 3 avec le mubtada et 5 avec le khabar. Il est tout, يعني دائما غالبا c'est lui qui commence la phrase. Il est toujours مرفوع. تمام؟ Il est toujours défini. Ça fait combien 3. مرفوع ça veut dire quoi مرفوع c'est ce qui finit par ضمة أو ضمتين أو ما نابع عنهما ça c'est le مبتدا الخبر il y en a 3 dans le مبتدا الخبر 4 donc il vient après le مبتدا il est toujours مرفوع non c'est le خبر il est toujours مرفوع il est indéfini تمام et il s'accorde en genre et en nombre يطابقه ça c'est le خبر Par quel moyen autre que l'annexion est-il possible d'exprimer la possession? C'est-à-dire là, li, tamam, la mutamlik. Là, ikhtisas c'est faux, OK. La possession, ah, parce qu'on a dit la possession. Avec le tamlik. Donc après, par quel moyen on a dit la mutar, ce sont la mutar. Comment démontrer l'éloignement d'une chose féminine? Féminine. Vas-y, d'une chose féminine, hein. Une chose féminine. Ça c'est pas une chose féminine. Au féminin ou une chose féminine? Non, c'est ce qui est écrit. Zaliki, c'est la personne à qui tu es en train de parler. C'est pas la chose que tu démontres. Non, garde-le ici. Je le veux là. Tilka. Décortiquer la question numéro 18. Ah ouais, donc décortiquer Tilka. Ti, c'est pas ta. Ti, c'est quoi? C'est quoi, ti? C'est ismu ishara. Ti. Non, ti, c'est ismu ishara, le ti là. Le bu'd, il a été pris par une autre chose. C'est l'am. Ah ouais, c'est vrai. Ti c'est ismu ishara. El lam c'est quoi? Lam al-bu'd. Wal kaf? Kaf al-khitab. Tamam, je pose une question. C'est quoi, c'est ti? Tamam. C'est ti, ça? Tilka. Pourquoi ils n'ont pas dit tilka? Pourquoi? Lorsqu'on écrit là, le ilou, il y a là. Parce qu'ils l'ont enlevé. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a deux secondes que je suis compris. Donc ils ont enlevé. Quels sont les mots définis? Les mots définis? L'alam. Les mots définis? C'est-à-dire les choses qui sont définies. Pourquoi mon facile? Damir. Donc il y a Damir. Il y a quoi encore? Alam. Ensuite? On a vu ça aussi. Al-al, le mu'arraf bi-al. Tu dis le mu'arraf. Parce que al, Aslan lui-même, c'est al. C'est pas, il n'est pas défini. Mais lorsqu'il rentre avec son truc. Attends, il y a Damir, al. Là, il y a le mudaf. Le mudaf, il y a ma'arifa. On a vu 5 donc. On a vu Damir, les pronoms démonstratifs, les pronoms plutôt personnels. Ad-Damir. On a vu Al-Alam. Ça fait 2. On a vu le mu'arraf bi-al. On a vu le mudaf, il a shay ma'arifa. Il a le mudaf qui est annexé à une chose qui est définie. Ça fait 4. Et je vous ai demandé ça au nombre de combien? Le nombre, c'est combien? Combien de ma'arif? C'est 7. Donc quels sont les mots définis? Comment tu dis un lit? Ouais. Donc je vois, j'ai écrit ça derrière. Ah, mais faut, moi je veux la correction aussi. Voilà. C'est partir d'où là? Sarir, Qalamun, Miftahun. Najmun, Kami, Sun, tous vous avez marqué un signe. C'est pas un signe, c'est un sad. Et toi, t'as écrit Ka. Non, moi j'ai mis un sad. Non, c'est un signe. Kami, Sun, Babs. Le coq dit qu'on. Il fallait mettre toutes les harakats. Hein. T'as pas mis toutes les harakats. Mudarrisun, t'as mis. Il n'y a pas de ya. Mudarrisun. T'as pas mis toutes les harakats, ça compte pas ça. Hein? T'as écrit Wasir. Wasir. Wasir. De... Ah, en plus, t'as mis avec le ya. J'ai pas vu. Il n'y a pas de ya. Wasir. Non, mais ça c'est important. Ça. Parce que comme t'écris, tu prononces. Alors après, on était à quoi? Mudarrisun. Après, Mudarrisun, Himarun. Hisanun. Comment tu dis un cheval? Comment tu dis un cheval? Comment tu dis un cheval? Là, juste les harakats, je vois si jamais tu connais. La lune est lointaine, c'est où ça que t'as pas, mec? T'as pas écrit? Ouais, c'est ça. Attends. Le Qamaru, Bari. Là, j'ai marqué le Qamaru. Le Qamaru, Baidi. Baidun. Des points. Al-Imamu Waqifun. Non, c'est quoi le truc? Surtout les, dans les bas. Waqifun. Ça s'accroche pas derrière. Et le waw, il faut qu'il soit en dessous de la ligne. J'aime pas. Là, on aurait dit que t'as écrit Faqifun. Jadid. At-Tuffah. Nadidun. Là, t'as écrit Hulwun. Non, Hulwun. Aïn As-Sa'a. As-Sa'a. Ah. Est-ce que t'as écrit Naqi? Naqi, c'est plus pur. Propre, c'est Nazrif. Al-Dhafar, tu vois ce que c'est? L'ongle. L'ongle. Al-Sabah. Al-Isbah. Al-Isbah, c'est le doigt. C'est quoi la définition entre le nom propre féminin et masculin? La définition entre le nom propre féminin et masculin. La définition est démarquée. La différence. La différence, c'est ça finit par le nom propre féminin, il se finit juste par un ou. Ça finit pas par un tanwin. Pas par un tanwin. Hein? Donc, le truc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le nom propre féminin ne prend pas de tanwin. Comme on a pu voir, vous allez voir, Inch'Allah, pourquoi. Et le nom propre masculin, il peut prendre tanwin. Il peut prendre tanwin. Pourquoi les raisons sont différentes? Pourquoi les raisons, il y a une différence, on avait dit? Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi pas? Ah. On a dit parce qu'il est féminin. Non, c'est pas ça. Et il est féminin et l'autre c'était quoi? C'est un nom propre. Nom propre et féminin. Parce qu'il peut avoir des noms communs qui sont féminins, mais il prend tanwin, Baqara. Donc, nom propre, il faut qu'il soit féminin. Vous allez voir. Ça, c'est une cause. Parmi les causes qui interdisent. Il y avait quoi encore? Quelle est la définition du mabni? Mabni, yani ya. Mabni et Ya'arab. Et Mu'arab, c'est pas Ya'arab. J'ai même pas écrit ça. C'est quoi la définition? Ya'arab ou Mu'arab? Al-Mu'arab. Mu'arab, c'est celui qui se conjugue. C'est celui qui se décline. C'est-à-dire de qui? En ma'rouf, qui va devenir. Soit c'est le mot dont yani, la terminaison va changer. Majrour, il va changer. Mansoub, par cause, il y en a. Daram, une action. Ouais. Et l'autre Magni. C'est l'inverse, c'est la variable. C'est la variable. C'est-à-dire que c'est celui qui ne bouge jamais. Quoi qu'il fasse. Tam, on avait dit entre les deux. Il avait dit le ma'rab, il se divise en deux. On a vu que le ma'rab se divise en deux, ça ouais. Lequel et lequel? Le ma'rab l'abdi. Et le ma'rab. Attention, ça arrive, les gars. تقديري. Le deuxième c'est تقديري. تقديري. والمبني. C'est quoi l'ordi, c'est quoi le تقديري? L'ordi c'est celui qui change. De celui dont il y a sa terminaison elle est apparente et elle est prononcée. Elle est prononçable. تقديري c'est celui qui il est sous-entendu sa terminaison. Voilà, c'est-à-dire que d'apparence il n'apparaît pas. On a vu quoi comme mot? Qui c'est que مغرب مستشفى. مثلا مستشفى. يعني مثلا تقول المستشفى مفتوح مبتدا خبر لكن اسمه علامة الرفع متى يعني ما تظهر على باغي با مررت بالمستشفى جاب دي بالمستشفى الناس على عكس تجي بالمستشفى اي بالذي يشفي c'est-à-dire celui qui guérit اما المستشفى c'est l'endroit où tu te guéris تمام وكذلك يعني بالنصب والله القطع على كل حال ça a jamais changé مستشفى مستشفى مستشفى لكن est-ce que c'est مبني لا il pas مبني فيه Non, Zahir, tu peux croire comme ça, mais il est mu'rab, lakin il est sous-entendu. C'est-à-dire que la déclinaison, comme tu as dit là, ou bien que le changement de sa terminaison, elle est sous-entendue, elle n'est pas prononcée. Elle est sous-entendue. Et comme on reconnaît ça, on l'a vu, il y a trois alamas. C'est-à-dire que si tu vois un nom avec une alif maqsoura, tu peux déjà juger que cette personne-là, yani, c'est quoi? C'est un mu'rab, yani taqdir. Bil alamat. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.